Liberté, égalité, fraternité. À mon ami Michel Renaud, tout homme est prêtre. Quand nous saurons bien tous que nous sommes des frères, quand l'amour coulera dans le sang de nos cœurs, debout sur les engins des haines et des guerres, quand vainqueurs et vaincus s'embrasseront, vainqueurs, quand, reniant le trône, un roi dira « J'abdique, j'abdique les hauteurs, je dois régner d'en bas », quand on aura compris la Sainte République, quand les peuples n'auront ni prêtres ni soldats, quand on ne verra plus, sous les splendeurs célestes, le théâtre forain, l'auberge au toit branlant, quand les forts et les grands n'auront plus sur leurs vestes les tatouages d'or des bouffons ambulants, quand l'homme bénira Dieu, créateur des mondes, ou dira « Je ne puis monter jusqu'à la foi, ô Dieu qui t'es voilé de ténèbres profondes, laisse-moi seul, je vais sans plus songer à toi. » Quand les foules, bien haut par l'esprit emportées, jetteront dans l'oubli l'inutile douleur, quand douteurs et croyants et sublimes athées éclairciront les nuits de l'esprit par le cœur, quand la science et l'art, par leurs portes divines, montreront l'inconnu, la vie ou le néant, quand tous les cœurs auront, dans toutes les poitrines, la régularité des flux de l'océan, quand nous marcherons tous dans la même pensée, cherchant un seul but, même en des chemins divers, quand, vers ce but, sera, sans relâche, fixée toute la volonté ferme de l'univers. Alors viendra la paix, la grande nourricière. Alors plus de patrie, un seul peuple de Dieu. L'égalité luira, vivante, sur la terre. La liberté vivra, splendide, sous les cieux. Jean Écart, Toulon, le 20 septembre 1866. Lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.